J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous science sur France Culture tous les jours à 14h en direct du studio numéro 1 de la maison de la radio, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de cette semaine spéciale sur l'intégralité de notre chaîne France Culture, semaine spéciale COP21, enjeux climatiques en débat sur France Culture. Et évidemment, tout le monde va assonner, et en particulier, bien sûr, dans tous les rendez-vous science. Nous, eh bien, c'est plutôt le catastrophisme éclairé. Ça va être, je vais peut-être réserver les mots, et les nominations et les adjectifs. On va y venir immédiatement après pour l'effondrement, puisque avec moi sont là Pablo Servigni et Raphaël Stevens. Pablo Servigni est ingénieur, il est ingénieur agronome, il a fait des études de biologie, il est biologiste, et Raphaël Stevens, lui, il est éco-conseiller, expert en résilience des systèmes sociaux, écologiques. Et leur ouvrage s'intitule tout simplement « Comment tout peut s'effondrer ?» Point. Mais on va rien changer dans cette situation d'effondrement généralisé par rapport à nos habitudes. Donc tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens à nouveau une espèce d'arachnide. Elle se nomme Larinia gescovi. Larinia gescovi. Chez les araignées et d'autres invertébrés, l'accouplement relève davantage du meurtre cannibale que de la partie de plaisir. Ainsi, pour le mâle, la saison des amours se termine souvent, et même presque toujours, de la même façon, par la mort. Ces amours carnassières ont rendu célèbre la montre religieuse, mais nombre d'araignées dévorent aussi leurs partenaires après l'acte sexuel. Alors, les mâles ont donc développé des stratégies adaptatives. Certains, par exemple, présentent un cadeau nuptial pour occuper leur partenaire. Les moins confiants attachent carrément les pattes de la dame. Reste l'essentiel, en tout cas, dans cette affaire, bien sûr, de reproduction, assurer la descendance. En la matière, la nature offre un florilège de comportements, du gardiennage post-copulatoire chez le gamard, qui est un petit crustacé de rivière, au dépôt d'un peptide anti-aphrodisiaque pour les punaises, ou pour certains papillons, sans oublier, bien sûr, la technique la plus courante, le bouchon, carrément. Les insectes sont en effet nombreux à obstruer les voies génitales de la femelle au moyen d'un ciment ou même d'une partie d'eux-mêmes. Parmi les araignées, certains mâles se mutilent aussi une patte qu'ils abandonnent dans l'organe sexuel féminin pour en interdire l'entrée. À l'heure de l'accouplement, notre Larinia gescovi est tout aussi systématique. Voyons. Le mâle profite de la copulation pour trancher le scap de la femelle, cette structure qui recouvre l'appareil génital et permet au mâle de s'accrocher à sa partenaire, préalable indispensable lorsque l'on s'ébat, à l'évidence, à l'envers et sur un fil. Dans le parc national de Biedzra, à l'est de la Pologne, des biologistes allemands ont constaté qu'à la fin de la période de reproduction, aucune femelle n'avait été épargnée. Ils ont donc étudié cette espèce en laboratoire, bien sûr. Ils ont découvert un mode opératoire saisissant. L'acte sexuel dure en moyenne 2,5 secondes et comporte 4 pénétrations. À chacune d'entre elles, le mâle insère un de ses deux pédipalpes. Pédipalpes, ces sortes de pattes qui hébergent le conduit spermatique, mais aussi une série d'organes complexes parmi lesquels une protubérance tranchante, celle-là, qui va couper net à sa base la moitié du scap de la femelle cette fois. Des deux insertions, et donc la femelle est définitivement mutilée. Pourtant, citation, elle continue à vouloir se reproduire, précise Pierrick Mongino, l'un des chercheurs. Et elle s'intéresse encore aux mâles, et elle s'intéresse encore les mâles, mais l'accouplement n'est plus possible. Pour le mâle, on voit le bénéfice de l'opération, mais pour la femelle, pourquoi ne pas interrompre l'acte dès la première insertion? L'équipe, pour l'instant, n'a pas pu conclure. Il faut en particulier mettre en évidence le coût physiologique de cet acte copulatoire que l'on va dire hop, tranchant. Bonjour Pablo Servigne. Bonjour. Bonjour Raphaël Stevens. Bonjour Stéphane. Petite précision, vous venez de Belgique, vous venez de Bruxelles. De Bruxelles. Pas de souci. En chaos ce matin, la gare du Midi en tout cas, qui relie en Thalys directement à la gare du Nord, était vraiment sans dessous-dessous. Beaucoup de militaires, beaucoup de policiers en armes, de chiens qui circulaient partout. C'était assez impressionnant. Oui. Eh bien, on pourrait immédiatement, puisque ça serait dans l'exacte continuité de station précédente de cette émission, ou en tout cas donc un épisode précédent de cette émission, puisque nous avions regardé l'incidence climatique sur les guerres, et les guerres d'origine climatique, en particulier évidemment la guerre du Darfour, qui est un bel exemple. Et vous-même, Pablo Servigne, vous avez écrit quelque chose dont on a parlé dans une revue qui s'appelle Reporter, les migrations venues de Syrie sont aussi des réfugiés climatiques. Donc, on voit très bien que on va tout de suite, d'une certaine façon, se mettre dans la situation où, en s'appuyant sur Dupuis, d'ailleurs, le philosophe hein, qui prône un catastrophisme éclairé, prendre les menaces grandissantes non pas comme des fatalités ou des risques, mais comme des certitudes. Je crois que vous partagez cette idée, puisque vous l'utilisez dans votre ouvrage, et l'un et l'autre. Oui, Pablo Servigne. Oui, exactement. Je suis pas le seul à le dire. Hein. J'ai vu que, enfin, Nicolas Hulot le disait aussi depuis des mois. Mmh. C'est-à-dire que les migrations, les réfugiés sont aussi des réfugiés climatiques. Et les guerres du climat ont déjà commencé. En Syrie, le climat a été une étincelle. Bien oui. sûr, il y a eu la politique, la religion, Bachar al-Assad, etc. Mais le climat, il y a eu entre 2006 et 2010 une extraordinaire sécheresse oui. du jamais vu qui oui. a mis dans, qui a déplacé 1 million de Syriens. Et donc ça fait partie du problème. Et c'est sûr, ça appartient pas, c'est pas un problème des générations futures. C'est aujourd'hui, c'est pour nous, c'est la génération présente. En cela, la catastrophe est déjà là. Et on peut plus l'éviter. Alors comment vous appelez? Comment est-ce que je peux vous appeler, puisque j'ai fait un petit suspense, Raphaël Stevens, vous êtes quoi? Des catastrophologues? Non, hein, c'est pas ça. Hein. Non, comment alors avec un peu d'autodérision, oui. nous nommons collapsologue, donc du latin collapsus, qui tombe d'un seul bloc, et log qui étudie donc ce qui s'effondre, ce qui tombe d'un seul bloc. Oui. Et on peut dire que donc on va mettre sous l'égide de ce terme et de cette discipline, puisque après tout il peut y avoir une discipline qui s'appelle de la même façon que cet adjectif que on a désigné et qui doit obligatoirement être pluridisciplinaire. Donc vous appelez à ça, on peut peut-être faire cette précision en disant que ça va être donc en tout cas l'un des présupposés et une des pierres acquises de notre conversation d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein, oui, on parle de la collapsologie. Exact, on part du principe qu'on est dans l'effondrement, on est les deux pieds dedans. Et en fait, on s'est bien amusé avec Raphaël pendant ces années, je dis bien amusé parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais en fait, on a écrit le livre qu'on voulait lire, qu'on n'a pas réussi à lire. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans toute la littérature, qu'elle soit scientifique ou activiste, peu importe, sur l'effondrement, à chaque fois, on est cloisonné à une discipline, mm-hmm. on est soit en climatologie, soit en archéologie, etc. Enfin, c'est lacunaire. Soit, enfin, on n'y trouvait pas notre compte, quoi. Et nous, on a voulu sautiller d'une discipline à l'autre. On a voulu rassembler un peu tout ce qu'avaient dit toutes les disciplines, l'économie, la biodiversité, le climat, etc., pour essayer d'avoir une vision la plus globale possible, de prendre du recul et de faire, d'avoir un tour d'horizon le plus clair possible. Et en fait, ce qu'on a rarement trouvé aussi chez les les, on va dire, ceux qui pensent à l'effondrement de manière assez sérieuse. Je pense à Jared Diamond, qui a écrit L'effondrement en 2005, je crois, qui est un best-seller, il faut le rappeler. C'est un petit chef-d'œuvre. J'ai entendu dire que c'était le livre de chevet de Nicolas Sarkozy. Ah bon? Et, alors, quand on a lu Jared Diamond, on s'est dit, il ne parle pas assez de notre situation présente. Alors nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment voir ce que la science disait. Donc il y a une analyse et une synthèse. La science dit sur l'effondrement de notre civilisation. En cela, la collapsologie, comme on l'a définie, en s'amusant, mais on s'est dit comment on pourrait nommer cette science. Mal, collapse. On s'est dit il faut quelque chose de transdisciplinaire collapse. Sur notre effondrement. Et là, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a inventé un mot. Alors parmi donc l'ensemble, évidemment. Puisque tout forme système et que vous avez prononcé le mot d'ailleurs d'économie, on peut pas l'oublier, on va pas l'oublier hein, parce que c'est absolument essentiel dans la circonstance. Simplement un chiffre, je vais là vous le donner, je vais appeler votre commentaire, mais pour montrer simplement que d'accord, nous sommes les deux pieds dedans, comme vous l'avez donc dit dès l'abord, Pablo Servigne, on va voir comment... Je prends l'exemple de la première banque de France, la BNP, qui est une grande amie du climat, comme tout le monde sait. La preuve, c'est qu'elle parraine généreusement la COP21. C'est bien. Mais il suffit d'éplucher ses comptes pour être saisi d'un petit doute, un léger doute. Ces cinq dernières années, la BNP a engagé en investissement direct et indirect 6 milliards de dollars en faveur des programmes éolien, solaire et géothermique. C'est bien, 6 milliards. En revanche, contre 57 milliards pour l'investissement dans le charbon, le pétrole et le gaz, soit très exactement 9 fois plus d'argent pour les énergies non renouvelables et très largement réchauffantes. Donc les amis de la Terre ont placé la BNP parmi les 9 finalistes du prix Pinocchio. J'ai trouvé ça dans le Canard enchaîné. Qui sera décerné le 3 décembre aux multinationales les plus climaticides. Je trouvais que c'était pas mal, le site. Tiens, climaticide. Voilà encore un nouveau terme. Climatogène. Bon, j'avais pensé à climatogène. Climaticide, carrément. Et puis un deuxième, allez, qui va être lié au premier. Le charbon. Une tonne de charbon consommée dégage 3,5 tonnes de gaz carbonique. Une tonne de pétrole en dégage, lui, en émet 2,7. Une tonne de gaz, 2,3. Donc, évidemment, haro immédiatement sur le charbon. Mais il en reste beaucoup sur Terre. Il coûte 3 fois moins à extraire que le gaz. Les pays émergents y recourent presque exclusivement. Ainsi que certains pays avancés. Alors évidemment, l'exemple massif, c'est l'Australie. D'un seul coup, voilà, ils se mettent à faire des mines de charbon. À qui mieux. Et puis la Pologne, tiens, c'est un bon exemple, qui tire 80% de son électricité du charbon pour tenir les fameux 2%, ces 2% là, maximum. 2 degrés. Il faudrait par exemple que les États-Unis renoncent à exploiter 92% de leurs réserves de charbon, l'Afrique 90%, l'Europe 78%, la Chine et l'Inde 70%. Oui, voilà, vous hochez de la tête, personne ne peut vous voir. Hein. Mais à l'évidence, maintenant, la situation climatique et la crise climatique ne peut absolument pas être déconnectée. Alors je m'engage, je vais paraître d'un seul coup militant alors que je ne veux être simplement que descriptif, comme vous l'êtes, chacun de vous deux. On ne peut pas penser les choses aussi sans regarder cette économie financière, même pas industrielle, mais regarder cette économie financière qui dirige le bal, avec une des conséquences dont on va bien évidemment parler, qui est un appauvrissement généralisé. Alors, financière, économique, mais plus largement, souvent dans les médias ou dans les discussions, on invite un climatologue pour parler de climat, on n'invite jamais à côté un spécialiste du pic pétrolier, un spécialiste de la finance, un trader, un spécialiste de la biodiversité. Ce qui nous a marqué, c'est justement ce cloisonnement en science, c'est vraiment très fréquent. La pensée systémique est assez rare finalement. Oui. Et on a voulu vraiment décloisonner ça. C'est-à-dire, mettre à la table tous ces gens-là. Et donc, bon, Raphaël est plus spécialiste que moi en finance et en économie. Donc, on a vraiment eu une symbiose, quoi, à travailler ensemble. Et on ne peut pas penser le climat ou les solutions, les chemins à prendre pour essayer d'arranger un peu la situation si on n'a pas à côté pleinement conscience de la fragilité du système financier. Si le système financier s'effondre, mais quelle solution on va apporter en termes de climat ou de pic pétrolier? Et si on n'a pas aussi une idée claire de ce qu'est le pic pétrolier, la fin des énergies fossiles? Et donc, si on part dans une discipline, par exemple juste le climat, en oubliant toutes les autres, on est forcément à côté de la plaque. Et là, en rassemblant tout, vous avez donné un bon exemple, c'est-à-dire que pour le climat, en gros, je résume, mais pour sauver le climat, entre guillemets, il faut laisser les énergies fossiles dans le sol. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus d'énergie pour notre civilisation. Ça veut dire que c'est vraiment, on risque un effondrement de notre civilisation. Et au contraire, si on se dit, mais non, on veut sauver notre civilisation, on veut continuer à faire marcher le moteur, on va continuer à extraire des énergies fossiles, alors c'est foutu, les trajectoires climatiques sont abominables. Et abominable, c'est un euphémisme. Et ça, si je peux rajouter, d'autant plus qu'on a besoin de cette énergie fossile pour concevoir et construire nos énergies renouvelables. Donc c'est là bien qu'on montre bien qu'on est entre le marteau et l'enclume finalement. Il faut toujours plus d'énergie fossile pour pouvoir accélérer cette transition énergétique que tout le monde appelle de ses vœux. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Alors, donc, puisqu'on a distribué les rôles, maintenant vous allez être le monsieur Dollar, le monsieur Finance de l'affaire, hein, dans la circonstance. C'est vrai qu'il y a toute une partie du livre dont on peut commencer. Il y a mille façons d'y rentrer, on peut y rentrer de façon... Il y a une systématicité, bien évidemment, d'exposition de vos propos et de vos thèses et de vos analyses dans le livre, mais on n'est pas obligé de le suivre à la lettre dans le cadre de ce rendez-vous de Continent Science. Donc, en particulier, on voit que cela coûte de plus en plus cher en énergie, c'est un petit peu ce que vous vouliez dire, d'une certaine façon, Raphaël Stevens. Ça coûte de plus en plus cher en énergie pour obtenir de l'énergie. Absolument, tout à fait, à la fois pour les énergies fossiles et pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire que pour les énergies fossiles, bien au début du siècle, par exemple, pour extraire 100 barils de pétrole, il fallait en investir seulement un. Donc c'est très rentable, ce qu'on appelle le taux, ce que les ingénieurs appellent le taux de retour énergétique. Et donc c'était effectivement très rentable. Et aujourd'hui, il faut aller de plus en plus loin, de plus en plus profond, et toujours avec une technique de plus en plus coûteuse pour aller extraire les barils de pétrole qui sont à notre disposition dans les sous-sols. Et donc là, effectivement, on voit que ce taux de retour énergétique est en déclin, pas seulement pour le pétrole, mais aussi pour le charbon ou le gaz, oui. Ce qui pose évidemment des grands soucis à l'industrie. Et notamment, on voit qu'elle a dû investir, en tout cas pour les 5 grands majors de pétrole, qu'on appelle par exemple Shell, Exxon ou BP ou Total, eh bien, ils ont une augmentation de leur investissement de 10% sur les 7 dernières années. C'est une exponentielle de 10%, c'est pratiquement un mur en fait énergétique auquel on doit faire face aujourd'hui. Si on a le temps d'ailleurs, on fera la petite figure de l'exponentielle avec la couverture. J'ai trouvé que votre manière de présenter donc le symbole en mathématiques était tout à fait intéressant avec simplement une couverture ou un drap. Alors, cette question, je vous l'adresse à vous pour alterner Pablo Servigne, mais même pour ce qui est nécessaire aux nouvelles technologies dites, elles, renouvelables. Là encore, il peut y avoir une sorte de pénurie de plus en plus de métaux rares, de vous donner cet exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est là, mais c'est presque effrayant aussi, c'est-à-dire que des technologies positives, inventives, qui jouent, elles, la carte du renouvelable, eh ben, vont pas pouvoir être renouvelées, ou elles risquent de ne pas l'être, en particulier avec manque de matières premières. Ça va être de plus en plus difficile, et ça fait croire qu'il y a encore beaucoup de solutions et que les renouvelables, entre guillemets, pourront nous sauver. Et c'est une illusion. Parce que on entend souvent dire, oui, avec telle surface de panneaux solaires, par exemple du Sahara, on pourrait alimenter en électricité toute la planète. Mais enfin, ça veut rien dire, parce qu'il faut transporter l'énergie, parce que pour faire les panneaux solaires, il faut des métaux, il faut des minerais rares, il faut de l'énergie pour les recycler, parce que dans 20 ou 25 ans, il faudra les recycler. Est-ce que dans 20 ou 25 ans, on aura l'énergie en termes de joules pour recycler tout ça? Est-ce qu'on aura les minerais? Vous savez qu'au rythme actuel d'extraction, pour le minerai argent, par exemple, l'argent, il reste 8 ou 10 ans d'argent. 8 ou 10 ans au rythme actuel d'extraction. Mais oui. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est un des composants des grandes pales d'éoliennes de 50 mètres, vous savez. Mais oui. Comment on va faire toute cette industrie, dans les champs, oui. Toute cette industrie des renouvelables, comment est-ce qu'on va la développer, la déployer, si on n'a pas d'énergie et assez de minerais? Et là, on arrive aux limites des minerais et de l'énergie. Alors ça, on le montre dans deux chapitres, mais j'irai juste un tout petit peu plus loin sur ce thème. Oui, faites. Quelques secondes. C'est qu'on s'est rendu compte avec effroi, avec Raphaël, que pour le nucléaire, c'est pareil. Toute la filière nucléaire, en fait, dépend du pétrole. On dit souvent que oui, le nucléaire, ça n'émet pas de CO2, c'est une énergie propre, entre guillemets, et donc elle va en poupe un peu hein, quand même pour tout ce qui est négociation climatique. Ok, le réacteur peut-être n'émet pas de CO2, mais pour construire une centrale, pour maintenir toute la filière, tous les ingénieurs, toutes les armées qui sécurisent les minerais d'uranium, pour transporter, enrichir, pour après traiter tout ça... Tout ça, ça utilise beaucoup d'énergie. Oui. En fait, sans pétrole, mais peu de gens disent cela, sans pétrole, sans toute la civilisation thermo-industrielle, ben, y a pas de filière nucléaire possible. Oui, sauf à utiliser le thorium. On a beaucoup défendu, en tout cas, cette idée. C'était les centrales à sel fondu qui ne sont pas encore prêtes, mais qui sont beaucoup travaillées. Et dans un cadre universitaire, il faut le noter, on en a parlé à cette émission même, la filière thorium est puisque de toute façon, il y a, je crois, 3 ou 4 fois plus de minerais de thorium sur la planète que d'uranium, en tout cas. Alors, tout faisant système, évidemment, là, on voit bien le rôle de l'économie. Ça fait système tout le temps, d'ailleurs, parce que on voit bien aussi que pétrole, qui dit pétrole dit voiture aussi, pour aller vite. Si on regarde parmi les climato-sceptiques les plus virulents, on va retrouver les lobbying de pétroliers, on va retrouver les lobbying gaziers, enfin c'est les mêmes. On va retrouver les lobbying de l'industrie automobile. On peut continuer longtemps, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se tient par la barbichette et ça forme une espèce de filière ou d'ensemble ou de système technique et qui pourrait carrément s'effondrer. Vous avez une jolie citation concernant... Vous avez mobilisé Bergson parlant donc de ce qu'il peut faire. Système, là il parle du chemin de fer. Alors, j'en viens à un article de Nature 2013, ça va nous permettre de nous recentrer, hein, que vous donnez. Cet article a recensé et chiffré 9 frontières planétaires absolument vitales et à ne pas franchir. La première, c'est évidemment le changement climatique. La seconde, c'est déclin de la biodiversité. Troisième, acidification des océans. Là, c'est absolument magistral aussi, parce que comme situation de déséquilibre, en particulier, on peut voir que déjà la chaîne trophique... Et là, je vous laisse suivre. Vous voulez que je continue pour permettre votre commentaire, Raphaël Stevens? Je peux continuer. Donc il y a pollution. Donc on avait dit climat, biodiversité, acidification des océans, bien sûr, pollution chimique, pollution atmosphérique. Donc c'est la charge en aérosol dans l'atmosphère. Oui. Il y a un changement d'affectation des terres, notamment avec la couverture forestière qui diminue fortement. On le voit avec les forêts indonésiennes et amazoniennes, et les cycles du phosphore et de l'azote, et puis la consommation d'eau douce, je crois que j'ai fait le tour là. L'ozone encore peut-être, oui, voilà, l'ozone qui fait la neuf frontières. Donc c'est effectivement une étude qui est parue en 2009 dans la revue Nature, une grande étude avec de nombreux scientifiques de renom. Actualisée en 2015. Actualisée en 2013. Ou 15, oui. 15. D'accord, 15. En 2015, voilà, qui est sorti juste avant d'ailleurs le Forum économique de Davos. L'idée était d'avertir les puissants pour leur montrer effectivement les grandes difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, en sachant effectivement, que chaque frontière que l'on transgresse peut amener au dépassement d'une autre frontière. C'est effectivement ça ce qui se passe dans les systèmes complexes. C'est quand on pousse un système au bord de la rupture, de son seuil, eh bien d'autres conséquences peuvent arriver, et notamment le fait de dépasser d'autres frontières. Donc par exemple, effectivement, quand plus le climat se réchauffe, au plus les océans s'acidifient. Et donc là, c'est une double difficulté de ce côté-là auquel on doit faire face, et évidemment aussi avec les problèmes de biodiversité, la migration de nombreux poissons ou d'espèces marines qui migrent vers le nord pour trouver des eaux plus favorables à leur développement. Et dans quelques temps, assez rapide, alors je ne vais pas m'avancer, mais très rapidement en tout cas, tout l'Arctique aura fondu. Il n'y aura plus d'océan arctique classé. Hein. Donc immédiatement aussi, là encore, on va retomber sur la situation politique, d'une situation climatique. C'est les réfugiés climatiques et c'est donc les terres perdues. Vous faites le recensement des villes qui vont être frappées par la remontée des eaux. C'est vertigineux, hein, le nombre de villes. Mais ce qui est important à dire sur cette étude, parce que les scientifiques ont tracé 9 frontières absolument à ne pas dépasser, oui. Sinon on risque vraiment, ça risque de sentir le roussi. Oui. Et ils ont mesuré qu'il y a 4 des 9 qui ont été dépassées déjà. Oui. Oui. On a transgressé 4 frontières. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont déjà partis vers des états inconnus, imprévisibles et de manière irréversible. Et parmi ces 4 frontières déjà dépassées, il y a le climat. La biodiversité, qui maintenant est appelée intégrité de la biosphère, j'ai vu, en 2015. Il y a les cycles de l'azote et du phosphore, par exemple. On a, nous les humains, certains humains en tout cas, ont cette puissance, on a acquis cette puissance qu'on est capable maintenant de perturber des grands cycles biogéochimiques de la planète. C'est ce qu'on nomme actuellement l'Anthropocène, hein, c'est une nouvelle époque. Et donc, on a dépassé 4 frontières. Et juste, il y a une étude qui est parue en 2012 dans la revue Nature, aussi, par 24 chercheurs, oui. Qui a essayé cet exercice de dire, et si l'ensemble du système Terre, qu'on peut appeler Gaïa aussi, avait une frontière, avait une sorte de seuil à ne pas dépasser, il faut pas trop la perturber, parce que sinon, elle risque de basculer vers un état qui ne serait plus propice à la vie sur Terre, en tout cas à la vie des humains. Et de beaucoup d'autres espèces, parce qu'il y a déjà eu des basculements comme ça dans l'histoire de notre planète. Est-ce qu'on est au seuil d'un basculement global? Eh bien, la réponse est oui, en 2012. Alors, c'est pas encore certain, mais ils ont quand même beaucoup d'indices qui laissent penser qu'on est au bord du précipice de manière globale. Gaïa pourrait basculer. Oui. Pourrait basculer. Oui. Et vous faites remarquer d'ailleurs, Pablo Servigne, vous faites remarquer que il y a aussi cette situation, alors là encore extrêmement perverse, c'est-à-dire que peu importe à la limite le phénomène, gardant le schéma, il peut y avoir quelque chose qui n'apparaît pas, mais qui est en train de se pourrir lentement, et qui va y avoir un effet absolument de coupure brutale. Comme on peut voir pour l'imager, ce qui me vient à l'esprit, c'est un exemple de physique pour tous les systèmes dynamiques qui sont sensibles aux conditions initiales. À un bout d'un moment, bon, ça marche très bien, ça tourne et puis pouf, ça devient chaotique. D'un seul coup, paf. D'un seul coup. Et là, on a plongé dans les travaux passionnants de 2 disciplines qui sont très récentes en science. C'est d'un côté la science des changements catastrophiques, oui. Catastrophic shifts, et là c'est toute l'étude des seuils et des basculements et des effets de contagion, etc. Et de l'autre, et de tous les indices qui montrent qu'un système est au bord du basculement. Ça, c'est vraiment passionnant. Et alors, de l'autre côté, il y a la discipline des dynamiques de réseau, des réseaux. Alors, ça vient un peu des physiciens et des biologistes, ceux par exemple qui étudient les pollinisations, la dispersion des graines, etc. Et ils ont découvert les propriétés des réseaux d'interaction. Et ils montrent que quand on a un réseau, il est... et qu'on le rend homogène et très interconnecté, exactement comme notre économie mondiale, la globalisation. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a rendu notre économie mondiale homogène et interconnectée. Eh bien ça fragilise les réseaux, ça les rend très vulnérables, mais de manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire que au début on ne voit pas, quand on donne des chocs, des coups à ces réseaux, Par exemple, en pollinisation, quand on enlève une espèce d'abeille, quand une espèce meurt, deux espèces meurent, il ne va pas le sentir, le réseau. Mais à un moment, clac, il y a un effet de tout ou rien, il y a un effet de basculement très brutal. Et nous, on a exactement fait ça avec notre économie mondialisée. On l'a rendue extrêmement vulnérable. Et aujourd'hui, on ne le sent pas. Mais elle est très vulnérable et elle peut basculer. Et vous dites d'ailleurs, en complément de ce que vous dites, vous écrivez dans votre livre que, c'est un exemple qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a des espèces qui sont menacées, mais il y en a qui sont encore plus menacées qu'on ne voit pas menacées. Hein, et qui sont en relation avec les autres aussi. Donc, oui. Ça c'est... C'est des très très belles études sur la biodiversité oui. qui montrent que... c'est très surprenant en fait... chaque espèce est liée à d'autres. Par exemple, il y a des relations de prédateurs-proies, des relations de pollinisation, des relations d'entraide, de prédation, etc. Mais en fait, quand on enlève une espèce, on enlève aussi, on fait mourir les liens qu'elle entretient avec les autres Bien espèces. Sûr. Dans tous les Et ça, on l'oublie toujours. Bien sûr. Voilà. Et donc, quand, par exemple, la loutre de mer a trop été chassée, on l'a exterminée, tous ces liens avec les autres espèces ont aussi disparu. Et donc, il y a beaucoup d'autres espèces, qui ont souffert de cette extinction. Et un Invasion exemple, végétale par Oui, par exemple, oui, si on enlève les loutres, les oursins vont oui. pulluler, parce que ce sont des proies des loutres. Si les oursins pullulent, oui. alors ça désertifie les fonds marins. Et si ça désertifie les fonds marins, ça va bouleverser d'autres chaînes alimentaires et d'autres prédateurs qui n'ont rien à voir avec la loutre, mais qui vont être affectés. Et ce qu'ont découvert aussi les biologistes, les écologues, c'est qu'il y a des espèces qui s'éteignent de manière silencieuse, parce qu'on se concentre, nous, par exemple, sur la loutre, mais il y a d'autres espèces à côté qui meurent, et on ne s'en rend pas compte parce qu'elles sont indirectement liées à la loutre. Et donc, il y a des transmissions, les extinctions sont des chocs qui se transmettent de manière verticale, par exemple de loutre à oursin, mais de manière horizontale sur la toile de la vie. Et ça a surpris beaucoup les écologues. La vitesse de cette propagation de ces extinctions a beaucoup surpris. C'est Terra Infirmeril, hein, plutôt qu'il faudrait intituler hein, cette musique que nous a choisie Dany Journeau, c'est Terra Infirmeril, puisque ce que Saint James Infirmeril chanté par Bob Calloway. Raphaël Stevens, on peut peut-être maintenant aborder la question de cette espèce de balance terrible, inégalitaire, qui fait que les riches sont de plus en plus riches avec un accaparement des richesses considérables. Je vous donnerai d'ailleurs juste un exemple rapide qui est d'une certaine façon assez significatif parce que ça ramène aussi à l'idéologie transhumaniste et à ceux qui croient qu'il va se passer des choses absolument très intéressantes avec l'homme augmenté dans tous les cas de figure. Mais en tout cas, on a observé que dans l'effondrement de civilisations, en particulier pour des civilisations américaines, nord-américaines et sud-américaines plutôt, elles étaient dans leurs conditions, il y avait un très grand accaparement de la classe supérieure des richesses. Donc là, on est là encore, évidemment, devant cette situation. Le chiffre que je voulais donner, c'est que, en plus, ça se mêle avec toute une propagande des développements de sciences appliquées à venir. Je crois que il coûte pour mettre dans un joli frigo des cellules souches embryonnaires 30 000 dollars par an pour qu'elles soient bien. Soigner. Donc, on voit que là, certains investissent dans des situations, ou en tout cas dans des start-up, donc qui proposent beaucoup de choses à partir. Bon, il y a un peu de, si je puis me permettre, de l'enfumage, quoi. Cela dit, accapare. Alors, comment est-ce qu'on va relier le tout? Parce qu'il y a cette présence-là, d'abord cette détresse économique, cette détresse des pauvres. À quoi ça peut conduire? Ça peut conduire à des guerres, bien évidemment, de confrontations, on le voit, et qui trouvent après des sortes d'explications, même, on peut dire, idéologiques, religieuses ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme premier commentaire, d'abord, pour maintenant introduire cette notion donc de très grande disparité économique? Mais tout d'abord, ce qu'il faut noter pour sonder l'avenir, pour savoir un peu ce qui pourrait advenir, il y a effectivement d'abord trouver les signaux avant-coureurs. Là, Pablo a un petit peu parlé de ça, avec dans les systèmes ce qui se passe. Et puis il y a une autre façon, c'est d'utiliser des modèles. Et là, dans ces modèles, il y a un modèle assez fameux qui est sorti en 2014 parce que ce modèle annonçait, soi-disant, la fin de la très proche de notre civilisation. Et c'est un modèle qui était développé, qui était financé en partie par la NASA, oui, et qui parle précisément en fait des inégalités. Oui, très étonnant. En tant que facteur d'effondrement, en fait. Un peu comme le modèle Meadows, le modèle World 3, qui décrit effectivement dans un monde fini la réelle possibilité d'un effondrement dans le courant de ce siècle. Eh bien, le modèle Andy montre aussi cet effondrement, mais avec un paramètre, le paramètre des inégalités. Tout à fait. Et là encore, une des conséquences, c'est appuyé aussi pour partie sur un système assez simple, hein, c'est-à-dire que l'équilibre vient d'une chaîne trophique, par exemple, hein, aussi qui joue des alternances, c'est bien ça. Hein. C'est donc un modèle qui est basé sur des équations Lockta-Volterra, hein, des équations qui sont conçues dans les années 20, en fait. Et donc, de manière schématique, en fait, c'est quand les proies, donc c'est une équation prédateur-proie, en fait. C'est ça. Hein, et donc, quand les proies pullulent, la population de prédateurs, elle prospère et fait chuter un nombre de proies importantes, et ce qui fait s'effondrer donc la population de prédateurs par la suite, vu qu'elle n'a plus assez de proies pour se nourrir. Et donc le cycle redémarre de façon récurrente, et on obtient en fait une sorte de battement de croissance et de déclin de population. Et en fait, dans ce modèle, ce que les chercheurs ont fait, ils ont pris la population l'environnement comme étant les prédateurs, la proie. Oui. Et de l'autre côté l'humanité, les hommes, le prédateur. Et de voir en inscrivant, en tant que divisant, pardon, les prédateurs, donc les humains en castes, en différentes castes, de riches et de moins riches et de pauvres, ils ont fait tourner ces équations et ils ont effectivement constaté un effondrement assez rapide, et cela d'autant plus que les inégalités entre riches et pauvres sont marquées. Alors on peut être que étonné, disons un mot, est-ce que vous attendez quelque chose, c'est juste presque une aparté j'ai envie de dire, alors que toute la semaine y est consacrée, mais de votre point de vue, c'est votre point de vue qui est intéressant, de votre point de vue, juste un petit commentaire, et l'un et l'autre sur la COP21. Quelle expectative là. Vous vous regardez tous les deux dans les yeux en se disant qui commence, que vais-je dire. Bon, en tout cas, en attendant, je vous laisse réfléchir, hein, mais vous donnez évidemment des exemples qui donnent vraiment froid dans le dos. Hein. Crise climatique, donc, vous parlez des importantes sécheresses qu'a connues en 2003 l'Europe et qui a provoqué la mort de 70 000 personnes, en Europe donc, et a coûté 13 milliards d'euros. Au secteur agricole européen. Donc ça donne une idée déjà, ça, puisque de toute façon, il va falloir s'habituer à des périodes de relevés de température aussi importants et aussi réguliers. Alors, concernant cette COP21. Oui, mais sur la COP21, il y a plusieurs choses intéressantes à dire. La première, c'est que déjà, nous sommes au niveau géopolitique, en ce moment, aujourd'hui, dans des conditions... déjà d'après guerre froide, il n'y a pas de conflit majeur international. Il y a des tensions, mais on est dans les conditions idéales pour trouver un accord. Et ce qui est, enfin, on le sera de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de conflits, de tensions, de migrations, etc. Et donc, ça va être de plus en plus difficile de trouver un accord. Donc là, vraiment, on arrive aux limites des capacités de coopération internationale. Donc il y a vraiment un stress à ce niveau-là. Après, quand on voit comment s'amorcent les négociations, bon, ça, je pense que tout le monde constate que c'est difficile d'être optimiste. On peut néanmoins le rester. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si on arrive à un accord ou un semblant d'accord ou à des effets d'annonce, c'est que la mobilisation retombe un peu alors qu'elle doit justement accélérer. Et inversement, si on ne trouve pas d'accord ou si les négociations débouchent sur quelque chose de très fade, là, ce que je vois, mais là c'est une intuition, c'est la colère monter. La colère qui est déjà là, qui en plus va pas pouvoir s'exprimer à cause peut-être des attentats, des annulations de manifestations. Et on a vu les millions de personnes à travers le monde manifester depuis des années, vraiment sur le climat, mais des années, depuis longtemps. Et à chaque fois c'est étouffé, à chaque fois on n'en fait rien. Et là, il y a une colère qui monte. Alors, on sait très bien que les États-Unis en particulier, mais d'autres pays, se préparent à cette colère. Et donc, on l'a vu à travers les fuites de Edward Snowden, les fuites de la NSA sur l'opération de surveillance généralisée qui implique les mouvements pacifistes aussi. Les sournois big data. Ils se préparent, beaucoup de gouvernements se préparent à cette colère envers les gouvernements. Oui. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie de la mosaïque de l'effondrement. C'est à prendre en compte, ça fait partie de la géopolitique, mais aussi de la psychologie. Alors on peut entrer aussi dans les émotions, c'est un énorme champ de collapsologie. Mais tout ça est lié, ça n'est pas à prendre à la légère. Quoi rajouter, Raphaël Steven, à ce que vient de dire votre co-auteur, Pablo Savigny? Ce qu'il nous faudrait, c'est bien évidemment un objectif contraignant de limitation des émissions de CO2. On voit aujourd'hui que cet objectif sera très très difficile à atteindre, donc il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions par rapport à ça. Et ça d'autant plus. Alors ce que je trouve moi d'autant plus difficile à accepter, c'est qu'effectivement toutes les mobilisations citoyennes qui devaient avoir lieu pendant la COP ont une grande chance d'être annulées, si j'ai bien compris. Et ça je trouve vraiment vraiment très problématique, parce que on a besoin tous de s'exprimer par rapport à ça, et justement pour essayer d'accueillir avec bienveillance toutes ces émotions qui naissent, donc notamment la colère. Hein. Si on n'accueille pas la colère avec bienveillance, eh bien il y a de bonnes chances qu'elle se matérialise physiquement. Et donc je pense que c'est toutes ces initiatives citoyennes de manifestations pacifiques qui devraient avoir lieu et qui n'auront probablement pas lieu suite aux attentats. Je trouve ça vraiment très très dommageable. Oui. Et surtout qu'en plus, il y a la conscience planétaire, c'est vraiment universalisé. Hein. C'est-à-dire que quand on entend maintenant des représentants de chasseurs-cueilleurs de tribus extrêmement réduites, ils ont un niveau d'information tout à fait étonnant. Ils ont un niveau de compréhension de leur situation qui est extrêmement informé. Et tout ça, ça fait des foyers de colère. On peut s'étonner aussi, enfin, ou plutôt rappeler qu'on est là encore vis-à-vis des pics, vis-à-vis des barrières, vis-à-vis des murs, ainsi de suite, qu'on peut tous transformer en synonymes. On est face à une situation où Gaïa est un système fini, est vraiment un système fini. Et je pense par contraste à la situation de la crise de 29 où, alors là, il y a eu un président intelligent, Roosevelt, qui a dit, par rapport à ce qui nous mobilisait précédemment, les inégalités très fortes, il a taxé les plus riches à 90%. Je vois pas se préparer ou se pointer un Roosevelt quelconque qui va aligner tout le monde à 90% pour les plus grosses fortunes. Hein. Oui, on le voit pas venir. En même temps, ça pourrait peut-être venir parce que on sait bien que l'histoire est faite d'une succession de soubresauts et d'imprévisibles en fait. L'histoire prend des virages parfois qu'on n'arrive pas à prévoir, qu'on ne peut pas prévoir. Hein. C'est la fameuse théorie des signes noirs de Mohamed Nassim Taleb. Et alors, on a parlé tout à l'heure de basculement, de seuil d'effondrement, les systèmes complexes s'effondrent. Mais en fait, les systèmes complexes aussi peuvent être soumis à des seuils ou des basculements qui peuvent aller vers le positif. Si à un moment, la masse des personnes informées, des personnes qui agissent, etc., dépasse un certain seuil, il peut y avoir des basculements vers peut-être une transition, un mouvement. Alors, ça peut prendre la forme d'insurrection. Ça dépend ce qu'on en fait. Ou de révolution, ou d'avancée majeure, ou de transition plus ou moins pacifique, on ne sait pas. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi des basculements dans l'autre sens. Ouais, les manifestations, par exemple, pour la faim, peuvent être un signe avant-coureur, quoi, hein, qui se sont manifestés, comme on sait, à un certain moment. Alors, au préalable de cette émission, bien évidemment, on s'est entretenu au téléphone, et là, tout à l'heure, Pablo Servigne, vous avez prononcé le mot de colère. Et pendant ces conversations préalables, vous avez beaucoup insisté, et d'ailleurs vous l'avez dit rapidement, je crois, sur le mot « deuil ». Et ça, c'est un mot d'importance. C'est-à-dire que, d'abord, vous faites des conférences et vous remarquez que il y a un sentiment, pour aller vite, ambivalent dans le public qui vous écoute, c'est-à-dire un sentiment de colère, et puis aussi un sentiment de tristesse, et puis de désespoir, et d'anxiété, de peur, de honte, de culpabilité. En fait, on s'est rendu compte avec Raphaël, on a fait plusieurs interventions, ateliers, conférences, débats, que nous, on essayait d'être très objectifs, très dans les chiffres, pour être le plus convaincant possible, le plus lucide, le plus réaliste possible. Et à chaque fois qu'on était objectif, eh bien, les émotions sortaient. Il y a souvent des gens qui pleuraient, des gens qui étaient en colère, des gens qui nous en voulaient. Et puis, et en fait, on s'est rendu compte que ben, c'est normal, il faut accueillir tout ça. Et plutôt que dire résistons, je voyais un titre ce matin de journal, résistons à la peur. Il ne faut pas résister à la peur, il faut l'accueillir, la peur. Parce que c'est comme toutes les émotions. Une fois qu'on l'accueille, on le dit bienvenue la peur, bienvenue la colère, c'est ma colère, bienvenue la tristesse, on l'assoit à côté de nous, elle diminue, elle rapetisse. Si on la met sous le tapis, si on met tous ces émotions et ces sentiments sous un tapis, on l'ignore, elle grandit, elle nous submerge et après elle ressort d'une manière désagréable. Et nous, en fait, ça nous a mis... En tant que collapsologue, depuis 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble avec Raphaël, on a mis sous le tapis au début nos émotions. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était précieux. Et on a travaillé ces émotions. Alors, de manière personnelle, avec beaucoup d'écoute, avec le public aussi. Ça fait du bien aux gens d'être écoutés. C'est ça qui est important aussi à dire. Mais nous, on est allé plonger dans tout ce que les scientifiques disaient sur les émotions, aussi sur le storytelling. On n'a pas parlé de ça, peut-être on aura le temps d'en parler après. Mais sur l'imaginaire, comment se représente l'effondrement. Est-ce que c'est Mad Max? Est-ce que c'est... bref. Ça, on en parlera juste après. Mais il y a beaucoup de réactions incroyables que le public nous a données. Et alors, sur le deuil, ce qui est intéressant, toutes ces émotions qui sortent dans le public et qu'on a eues, nous, ce sont en fait, on pourrait le mettre dans le cadre d'un deuil qu'on passe. Vous savez, quand on perd un être cher, au début, on est dans le déni. C'est pas possible qu'il ait eu cet accident de voiture. ça n'est pas arrivé. Et puis on est dans la colère, et puis on passe des phases de tristesse et après d'acceptation. Je simplifie en fait. Mais nous sommes en train de faire un deuil. Accepter la possibilité d'un effondrement, et c'est ce que propose notre livre, c'est commencer à faire le deuil de quoi ? Eh ben d'un avenir qu'on s'était imaginé. Peut-être que l'avenir qu'on a tracé pour nous et nos enfants ne sera pas le même. Et peut-être qu'il va falloir imaginer d'autres avenirs. Mais avant, il faut renoncer à cet avenir. Et ça, ça fait mal. Ça, c'est un déchirement. C'est très désagréable, finalement, la collapsologie. Ce qu'on propose, c'est pas agréable du tout. C'est de plonger au fond de nos sentiments, de nos zones d'ombre, d'aller toucher le désespoir. Avec Raphaël, on a touché le désespoir. Moi, j'ai interviewé Denis Meadows, le co-auteur du rapport au Club de Rome, fin 2011. Et c'était à la naissance, une semaine avant la naissance de mon premier fils. Eh bien, je peux dire que pendant 2 mois après, j'ai touché le désespoir. J'ai déprimé. C'était dur. Comment regarder nos enfants avec tous ces chiffres en tête, avec toutes ces catastrophes en tête? Et notre proposition avec ce livre, notre posture, c'est vraiment d'essayer d'avoir le courage de voir ces chiffres les yeux en face, droit dans les yeux, et de les avaler, de les digérer, d'y croire. Et ça, c'est très dur. Et pour ça, il faut faire un travail dans les émotions. C'est vraiment fondamental. Et dans les milieux scientifiques, dans les colloques, on n'en parle jamais. J'ai beaucoup fréquenté ces milieux. Aussi dans les milieux activistes, dans les milieux politiques, on n'en parle jamais. À un moment, il va falloir aborder la question parce que c'est fondamental et c'est une partie importante de la collapsologie. Oui, alors, évidemment, mais là, je ne peux pas ne pas penser aussi, mais c'est indirectement en ligne de votre propos direct, mais aux climato-sceptiques qui se partagent en deux, dont ceux qui ont peur, évidemment, de l'effondrement, et donc qui vont avoir des attitudes de dénégation, ou alors ceux qui vont dire « Non mais ça c'est connu, c'est le coup de... » Plus d'une fois, vous citez le calendrier Maya comme moquerie. Et puis, il y a les ceux qui sont progressistes, on va dire, trompeurs. Vous donnez les noms, hein, en particulier si on regarde Claude Zalègre, si on regarde Courtillot, si on regarde l'espèce de climat de tension extrême qui s'est présenté à l'Académie des sciences pour faire un rapport sur cette situation, donc un rapport de climatologie, c'est un rapport de synthèse où il y a eu là vraiment des conflits forts. Et donc, il y a des sortes de bonnets trompeurs et prometteurs aussi. Enfin bref, tout est mêlé. Non, mais donc, tout ça, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, bien sûr. C'est fou. Mais ça me permet, je prends la perche comme ça. Je saisis la perche. Ça me permet d'aborder le thème de l'imaginaire. Parce qu'en conférence, on en parle souvent. C'est-à-dire que, ok, il y a les chiffres. Ok, on peut nourrir la tête de chiffres. C'est très bien. Et ça, on l'a fait dans le livre. Ok, il y a les émotions. Et ça, on peut le faire... en conférence. Mais il y a un autre continent largement inexploré, c'est l'imaginaire. Et les climato-sceptiques, en fait, ils fonctionnent sur un imaginaire, sur un mythe, par exemple, le mythe du progrès linéaire. Donc, les mythes, c'est des histoires qu'on se raconte, on ne sait même plus que c'est des histoires. On est né là-dedans, on est né dans ce bain. Ça fait 400 ans que notre société, civilisation libérale, elle fonctionne sur des mythes en boucle, les mythes du progrès linéaire. Et donc tout ça, tous ces discours de Claude Allègre et des climato-sceptiques, c'est aussi le mythe du progrès continu qui tourne en boucle. Oui. Il y a un autre mythe très fréquent, une histoire qu'on se raconte souvent, c'est l'apocalypse. Quand vous dites à un repas de famille, ça va être l'effondrement, on l'a vécu souvent, nous, on est moqué. On se moque de nous, oui, le bug de l'embumi, t'as vu ce que c'était, les Mayas en 2012. Les oiseaux de mauvais augure qui nous sortent leur grand tableau noir. Voilà, c'est facile de balayer ça d'un revers de main. En fait, ce mythe de l'apocalypse, c'est notre tradition, c'est la tradition chrétienne de notre judéo-chrétienne de civilisation. C'est l'idée qu'il y avait à avoir une catastrophe comme un couperet en quelques jours, et après il n'y a plus rien, c'est la fin du monde. C'est pas ça qu'on propose. avec ce mot effondrement, avec notre livre, on propose justement de commencer à sortir de toutes ces images, de tous ces mythes, d'en faire un concept le plus réaliste, le plus lucide, qui nous permette de penser notre époque, de redonner du sens à notre époque, et donc de concevoir des politiques réalistes. L'utopie aujourd'hui, c'est de croire que tout peut continuer comme avant. Et nous sommes des réalistes. Ah bon, un commentaire sur ce que vient de dire votre co-auteur, Raphaël Stevens, juste oui, d'un mot. D'un mot, le mot pour moi c'est aujourd'hui courage, parce que je pense avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça nous invite à avoir beaucoup de courage, à affronter justement tous les imaginaires qu'on s'est forgés depuis des siècles, de les affronter frontalement. Directement pour les remettre en question et choisir des trajectoires, des nouvelles trajectoires, des avenirs plus désirables dans la paix. Mais vous n'avez pas le sentiment, et c'est mon ultime question, et à la limite vous allez répondre par presque oui ou non, mais que quand on voit la puissance du système néolibéral avec des organismes publics qui sont complètement comme queue et chemise, si je puis me permettre, avec le privé, avec des industriels ou avec des financiers, là, la partie me semble très très difficile. Très difficile, non ? Parce que ça nous amène à imaginer ce que c'est que la décroissance, la question aussi de la démographie planétaire. Hein. Il y a beaucoup de choses mêlées là encore. Ah non, mais les questions vont être terribles. Hein. Oui. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien se passer et qu'on va vers un avenir bisounours. Là, on va vers un effondrement. Il va falloir l'accepter. Toute la question, c'est de savoir ce qu'on met derrière ce mot et de comment on va vivre avec. Vraiment, c'est ça la clé. On va pas pouvoir l'éviter, il va falloir vivre avec, et le chemin à tracer sont nombreux, et nous sommes nombreux, croyez-moi. Bon, espérons-le, souhaitons-le en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de souhaiter bonne chance à votre ouvrage, puisque de toute façon, il a trouvé un large écho. Hein, il s'intitule « Comment tout s'effondre ». Donc, mes deux invités et donc les deux auteurs, Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Cet ouvrage est publié dans une collection Anthropocène. Tiens, là encore, on pourrait faire toute une émission sur la définition d'Anthropocène aux éditions du Seuil. C'était bien sûr Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Aux manettes, aujourd'hui, Jacques Hubert, pour la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation d'Annie Journeau, Stéphane Delisgorges. Continent Science et balado diffusé. Vous pouvez donc réécouter cette émission à votre goût. Vous avez la possibilité ainsi de la télécharger le temps d'une grande année et de l'écouter pendant 1000 jours.